Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec Pascal Jobin, notre spécialiste de la NBA. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Pascal, évidemment, les Raptors, écoute, j'étais un petit peu inquiet. Je te cache pas, j'étais un petit peu inquiet au début. mais là, finalement, quel match de la part du Magic. Je pense que ça a réveillé le premier match. Hein? Ben, je pense qu'on avait la nervosité, la pression. Pas une grosse performance de Kyle Lowry, mais on a très, très rapidement éliminé tout doute. Comme quoi, Orlando a fait une bonne présence de première ronde, là, mais il n'était pas de calibre avec Toronto. Là, pas On parle des Raptors potentiellement capables de se rendre en finale de la NBA cette année. Fait que s'ils perdaient un deuxième match contre Orlando, je me serais posé des questions. Ouais, écoute, effectivement. Puis Kyle Lowry, autant le premier match, il n'a pas été bon, avec zéro point. Autant les autres matchs, il a été correct. Là, il a été très, très bon. On l'a revu le vrai Kyle Lowry. Exactement. Belle performance d'équipe. On a vu que Kawhi Leonard est capable de mettre une équipe sur ses épaules, peut-être un petit peu plus que DeMar DeRozan. Qui a réussi à faire dans le passé. Là. J'aime beaucoup DeMar DeRozan, mais Kawhi Leonard, c'est selon moi, un des trois meilleurs joueurs de la NBA en ce moment. Oui. OK. Hey, parle-moi du côté. Est-ce que tu penses que le fait qu'on est allé chez Mark Gasol, Kawhi Leonard, qu'il y en a vu d'autres également, Danny Green, certainement que ça a dû. Il n'y a pas eu de panique, puis ça l'a aidé à quelque part, là, suite au premier match. Si ça aurait été le même noyau, là, ça aurait pu être difficile. Hein? Ça aurait pu être difficile, mais tu as tout à fait raison, Danny. Kawhi Leonard a déjà été joueur des séries dans la NBA quand les Spurs ont gagné, je pense, leur quatrième ou cinquième championnat. Donc, Mark Gasol, c'est quand même quelqu'un avec Memphis. C'était vraiment lui et à l'époque Mike Conley, c'était les deux gros joueurs qui traînaient Memphis puis qui ont fait les séries. Donc on a de l'expérience. Danny Green avec Kawhi Leonard, Danny Green qui a beaucoup d'expérience dans les championnats, dans les séries. Donc c'est sûr que ça fait une différence selon moi pour calmer les nerfs, calmer les esprits et bien performer. Et je pense que il y a encore une période d'ajustement. Même pour l'entraîneur Nick Nurse, qui est quand même à sa première expérience comme entraîneur-chef dans la NBA, dans les séries. On a été chercher Mark Gasol vers la fin de l'année, Danny, tu sais, donc c'est quand même un ajustement. On a une décision à prendre parce qu'on veut pas nécessairement avoir Mark Gasol sur le banc ou Serge Ibaka sur le banc. Moi, je pense qu'Ibaka est très important défensivement, mais Mark Gasol, au niveau de ses habiletés de passeur, compréhension de jeu, lecture de jeu, je pense qu'offensivement, il est peut-être un peu plus avancé que Serge Ibaka, mais Ibaka au niveau de contre dans les matchs, puis défensivement, puis sa mobilité, puis fait que je pense que tranquillement pas vite, on apprend, Nick Nurse apprend à bien gérer ces deux centres. Et puis Kawhi Leonard a été spectaculaire. Kawhi Leonard a fait exactement ce qu'on s'attendait de lui dans cette première ronde. OK. Donc, évidemment, c'était en cinq matchs. Dis-moi, on va parler maintenant de... Avant de parler de la série contre Philadelphie, je vais aller ailleurs. Boston, Indiana, on savait que Victor Oladipo était blessé pour le restant des séries. Par contre, est-ce que... es-tu surpris que ça ait été aussi vite? Parce que les Blazers ont connu une bonne fin de saison malgré sa blessure. Là. Ouais, bonne fin de saison, mais les séries, c'est des séries. Ouais. On a vu Gordon Hayward commencer à être à l'aise avec son rôle. On a vu un Kyrie Irving qui commence à jouer de la façon que lui espérait jouer, contrôler et dominer les matchs. On est en série. C'est une nouvelle saison pour beaucoup de ces joueurs-là. Pour beaucoup de joueurs, c'est la période où tu fais ton nom. Tu fais ta légende, tu crées ta place dans le temple de renommée. Donc, je pense que Kyrie Irving a vraiment bien performé. Mais c'est sûr que ça va être intéressant de voir la deuxième ronde. Est-ce que Boston va être capable de prendre plus de pression? Parce que, je m'excuse, mais Indiana, sans Victor Oladipo, Là, on parle de 25 points par match, on parle de jeux spectaculaires, on parle d'un closer, d'un joueur capable de faire beaucoup de choses sur un terrain de basketball. Donc, c'est un gros morceau qu'Indiana a perdu, même si on s'est quand même ajusté dans son absence. On est arrivé dans les séries, là. Je pense pas qu'on, tu sais, du côté de Boston, il nous manque Marcus Smart, mais on a quand même été capable de faire sans lui. Mais Victor Oladipo, c'est le gros joueur. Tu sais, c'est un petit peu comme quand LeBron s'est blessé à Noël. Et puis, c'était fini pour Los Angeles, là. Oui, effectivement. Donc, c'était fini par la suite. Donc, ailleurs, Portland qui a éliminé OKC. Pas vraiment sûr. Le match, là, ça a été le couronnement, si je peux dire, de Damian Lillard. Et on a enlevé du trône, si on parle de Game of Thrones qui vient de la huitième saison, il a commencé. On a détrôné Russell Westbrook. Damian Lillard, là, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA, là. Facilement top 10. Il y en a qui vont même top 5. Écoute, dans le match pour éliminer, là, non seulement il a rentré la 3 points qui a assuré la victoire en temps régulier, mais c'était son 50e point du match. Il a fait 50 points dans le match. Spectaculaire. Après Steph Curry, là, c'est lui et James Harden, les gros marqueurs. C'est le meilleur marqueur dans les séries en passant cette année. Damian Lillard. Ça va être intéressant de voir ce que Portland vont faire. Faut pas oublier qu'eux ont perdu leur centre, Nurkić, si je me trompe pas. À une blessure assez spectaculaire. Donc, on a compté un peu sur Enes Kanter, qui fait la différence un petit peu, que les Knicks sont carrément débarrassés. Là. Mais de voir Paul George, il y en a qui vont dire qu'il était blessé dans la série, et Russell Westbrook, tout le monde pensait, tous les spécialistes d'année, là, avaient Oklahoma City facilement contre Portland. Parce que l'année passée, il ne faut pas oublier qu'ils avaient perdu contre la Nouvelle-Orléans. Mais en ce moment, là. C'est l'apprentissage aussi. Est-ce que c'était peut-être l'apprentissage? Est-ce qu'on peut la qualifier d'apprentissage l'année passée? Ouais, un petit peu, mais c'est. Je dirais que oui, mais je dirais que Portland, ils ont quand même fini troisième cette année, là. Okay. Fait qu'on on se tient bien, mais personne n'avait Portland devant OKC. Il y a même des gens qui voyaient OKC en finale cette année de l'Ouest, puis c'est fini pour OKC. Puis là, on doit probablement se poser des questions. Tu sais, Russell Westbrook a accompli, c'est sa troisième saison avec une moyenne d'un triple doublé. Plus de 10 points, plus de 10 aides, plus de 10 rebonds. Mais c'est quoi, Danny? Ça sert à quoi, finalement? T'es pas capable de faire avancer ton équipe en deuxième, troisième ronde? On s'en fout un petit peu. Puis il y en a beaucoup qui vont prendre ces statistiques-là puis dire, ben finalement, est-ce qu'il joue juste pour ses statistiques? T'sais? OK. Ouais, c'est sûr. Hey, dis-moi... Golden State, à soir, c'est le sixième match contre les Clippers. Ça tourne. Moi, je trouve que ça tourne pas. Ça va pas mal en 7. Donc, ça tourne pas rond dans cette équipe-là. Hein? Ben, c'est parce que on est surpris. DeMarcus Cousins a fait mal aussi, la blessure. Premier match, on a paniqué. Les Warriors, là, ils menaient par 31 points chez eux. Ils ont perdu le match. Lou Williams, qui, en passant, lorsque Magic Johnson a pris la place de président de l'organisation des Lakers, la première chose qu'il a faite, il a coupé Lou Williams, qui tue en ce moment les Warriors. Écoute, tout le monde est surpris. C'est une équipe pendant, tu sais, quand à la période des échanges, ils ont échangé leur meilleur marqueur. Okay. Parce que ce sont dit, cette année, c'est une année de développement. Ils ont fini 8e, ils se retrouvent à jouer contre les Warriors et un 6e match spectaculaire. Honnêtement, là, spectaculaire. Et t'as raison, qu'est-ce qui se passe du côté des Warriors? On a perdu DeMarcus Cousins, mais on ne l'a pas vraiment eu longtemps. Il est arrivé en janvier, il a joué quelques matchs, il faisait une différence, mais on a gagné 3 championnats, dont 2 avec Kevin Durant sans DeMarcus Cousins. Je sais pas, je pense que c'est dernier dans le sport professionnel. C'est dur de garder des équipes longtemps motivées. Là, on parle. Puis, t'as moins faim, j'imagine aussi. Là, t'as beaucoup moins faim. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que tous ces joueurs-là, c'est des compagnons en eux-autres mêmes. Ben oui. Puis, tu sais, une fois que t'as gagné un ou deux championnats, tu sais, l'époque des années 80-90, tu voulais gagner pour ton équipe jusqu'à la fin de ta carrière. Puis souvent, quand un joueur changeait d'équipe, C'était pas sa décision, c'était parce que les propriétaires t'avaient échangé. La différence, c'est que maintenant, les joueurs décident de se promener plus. Ouais, c'est tout des petites PME. Donc, j'ai l'impression que ça ira pas. Mais c'est beaucoup plus compétitif cette année dans l'Ouest, dans l'Est que dans l'Ouest. Et c'est t'as trois équipes là, t'as trois même quatre équipes qui pourraient représenter l'Est, puis ce serait pas, on pourrait pas qualifier ça de grande surprise comparativement à l'Ouest. Ouais, ouais, t'as raison. Mais écoute, à part OKC là. Ouais. Regarde, Denver, il a fini deuxième. Ils se retrouvent à jouer un septième match chez eux contre les Spurs. On savait que ça allait être très long. Ouais, mais c'est impressionnant. Les matchs dans l'Ouest en ce moment, c'est on se bat pour le vrai, là. Dis-moi, qui va gagner San Antonio Denver? Est-ce que l'avantage du terrain peut être Moi, je vais aller pour Denver. J'adore. Tu sais comment j'aime Jamal Murray. J'aime beaucoup le Joker, Jokic. Ouais. Donc, j'ai personnellement passé deux étés avec Michael Malone, l'entraîneur-chef avec l'équipe canadienne. Donc, j'ai un petit parti pris pour Denver. L'altitude, je pense qu'ils vont être prêts, la foule. Je pense que l'avantage du terrain va faire une différence. Faut jamais sous-estimer une équipe de Popovich, mais je pense qu'on a joué au-dessus de notre tête du côté des Spurs. Je pense que Denver va gagner ce match-là. Okay. Le match décisif pour aller en deuxième ronde. Dans l'Est maintenant, on revient dans l'Est. Philadelphie-Toronto, ça va être. Il va y avoir des suspensions, il va y avoir des fautes techniques. Je pense qu'on a eu 8 fautes techniques dans la série 76ers contre Brooklyn. Il faut que Toronto garde, il faut que les joueurs gardent leur calme. Et du côté de Toronto, on sait que Serge Ibaka est capable de pogner les nerfs rapidement. Joel Embiid va tout faire pour le taquiner, si je peux dire ça poliment. Ouais. Mais ça va être une série spectaculaire parce que là, du côté de Philadelphie, là, il y a des studs. Okay. Butler, Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons. Je m'excuse, mais ça, c'est 4 joueurs All-Star. Ah ouais. C'est 4 joueurs All-Star. Et en ce moment, ils jouent très, très haut basket et Ben Simmons, commence à démontrer beaucoup plus d'agressivité offensivement parce que c'est un joueur un peu à la LeBron qui aime beaucoup passer, qui aime beaucoup jouer du beau basket. J'ai vu un Ben Simmons très agressif contre Brooklyn après que ça soit fait un petit peu. Il y avait un commentaire de Jared Dudley qui avait dit il est peut-être bon en transition, donc quand il court le terrain, mais quand on se retrouve en demi-terrain, il n'y a pas de shot, il est pas bon. C'est un joueur ben ordinaire. Okay. Puis il est revenu, je pense qu'il a fait 31 points. Donc, ça va être toute une série pour Toronto. Moi, je pense une série qui va se rendre à 6 ou 7 matchs. OK. Milwaukee-Boston, ça, c'est clair, ça se dirige vers 6 ou 7 Classique. Ouais. Écoute, ça va être intéressant de voir comment est-ce que Boston, avec Kyrie Irving, là, ça a bien été la première ronde, mais tu sais, pendant la saison, il y a eu des problèmes. Est-ce que Gordon Hayward va performer? La défensive de Milwaukee, là, il faut que tu sois prêt à jouer au basket, mon ami. Et c'est ça qui va faire la différence. Et si Boston, moi, ma seule crainte, Milwaukee, ils vont pas se détruire à l'intérieur parce que leur vedette est aimée par les joueurs. Le système, c'est une équipe en pente montante. Du côté de Boston, il y a des identités. Jason Tatum, il va être la star. Kyrie Irving va être le LeBron de Boston, tu comprends? Ouais. Gordon Hayward veut revenir à ce qu'il faisait avant. Sauf que défensivement, Gordon Hayward n'est plus là. Et Al Horford, c'est un bon joueur. Mais là, tu te retrouves avec Brook Lopez qui est 7-2, shoot la 3 points. Il est énorme. Fait que, non, ça va être toute une série. Et je serais très surpris que Boston passe à travers. Moi, je m'attends à voir les Bucks en finale de l'Est. Les finales de l'Est, mais ça va être évidemment. Ce qui peut jouer un petit peu, c'est l'inexpérience des Bucks. Ça peut jouer contre eux autres par contre, mais ça va être une série extraordinaire. Dans l'Ouest, on va attendre, on va s'en parler la semaine prochaine parce qu'on sait pas qui va gagner. Pourquoi c'est bizarre pareil, hein, les finales de l'Est commencent, les demi-finales dans l'Est commencent alors que l'Ouest est même pas fini. Ben, je pense qu'il y a, la TV, dans le calendrier, ouais, toutes les affaires de télévision dans les calendriers, fait que t'as toujours des scénarios de 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs. D'après moi, une fois que les deux équipes sont prêtes à passer à la deuxième ronde, il y a une période, parce que tu veux pas non plus passer 10 jours sans jouer. Ouais. Parce que comme au hockey, genre avec les Blue Jackets de Columbus. Parce que dans les séries, là, tu peux pas faire des vraies pratiques et jouer au 5 contre 5 parce que tu peux pas prendre le risque de te blesser. Ouais. Fait que c'est vraiment, là, je me souviens de LeBron James, il avait dit à l'époque avec Kyrie Irving, il avait dit, on a hâte de jouer parce que là, on a sept jours sans jouer. Mais on peut pas vraiment dans les pratiques, on peut pas se blesser, on veut faire attention, on fait des vidéos, on est patient. Puis souvent l'équipe qui joue, mettons tu gagnes en 4 matchs, l'autre équipe gagne en 7 matchs. Le premier match entre les deux, ça veut dire qu'il y a une équipe qui a fait 7 jours sans jouer, exemple, l'autre équipe a fait 2 jours sans jouer. Mm. Les autres sont encore plus primés à jouer, tu sais. Ouais. C'est des facteurs importants, fait que je pense qu'il y a une période. Lorsque les deux équipes sont prêtes à jouer, parce que je pense que ça commence samedi, je ne me trompe pas, Toronto. Oui, ouais, c'est ça, c'est samedi soir, tandis que le septième match dans l'Ouest. Tout est bien calculé. Ouais. Mais est-ce que c'est. Au hockey, c'est la coordination, ça peut prendre un certain temps avant de se remettre à ce que. Ça peut prendre quasiment une période avant de revenir après un long congé. Dans le basketball, c'est-tu la même affaire? Qu'est-ce que tu veux dire par une période? Ça veut ben, dire au hockey, ça peut prendre, mettons comme exemple, les Blue Jackets de Columbus hier, où c'est une équipe qui peut être 7 à 10 jours sans avoir de situation de match, là. Ça peut prendre une bonne demi-période. Moi, je pense que le chiffre idéal, c'est 3 ou 4 jours pour les blessures, parce que dans la saison, t'arrêtes jamais. Fait que là, t'as vraiment une période. Ta première ronde, tu veux la gagner en 4 ou 5 matchs. Pour être capable d'avoir quelques jours de repos de plus, plus par rapport aux blessures, pour te reposer, pour recharger ta batterie, je dirais. Mais trop, c'est comme pas assez. OK. Fait que je pense que, je sais pas c'est quoi au hockey le chiffre intéressant, mais je pense qu'au basket, moi je pense que 4 à 5 jours maximum, là, c'est ça devient mauvais. Pour le momentum, ça devient plus difficile. Exact. Quand t'es rendu à 7-8, ça devient plus difficile. OK. Pascal, on s'en reparle quelque part la semaine prochaine, non? Ça fait plaisir, Daniel. Notre ami Pascal Jobin.